boys and girls, this is Rip and Roach. Salut à tous et on se retrouve pour une nouvelle heure de Pop and Rock. Allez, on commence avec ça. Débuter un pop and rock dans lequel je vais nettoyer mes fonds de tiroir. On y trouvera quelques-uns de nos estampillés comme Alt J, mais aussi des groupes plus improbables comme L'Humeur ou encore Lane que vous ne devriez pas écouter ailleurs qu'ici dans Pop and Rock. Et puis il y aura aussi des exotiques comme les Néerlandais de Ed ZST Metal qui arrivent tout de suite. Maar we hebben elkaar altijd geboeid. heart and what's in the nerve from the bar. Off's in the end. Off's in the end. Laat ons zoeken in rare plekken. Een tweede hoek, een blinde vlek. Voor mijn paard te verstaan. Het is al geschreven in oude boeken. Het is door de taal. Er wordt gekaapt, maar vooral gemut. Er slaan langs alle kanten vlammen uit. Maar ze in de helft van een paar. Of ze niet in. Wie panikeert er en wie berust? Als je het laat zinken en ze trapst geblust. Was in de helft van een paar. Of ze niet in. Of ze niet in. Laat ons zoeken. Rare plekken, een tweede hoek, een blinde vlek. Voor mijn paard te verstaan, het staat geschreven in oude boeken. Het is door de taal van bovenal. Voor mijn paard te verstaan, voor mijn paard echt te verstaan. Quelques mois, je découvrais Bixif, qui a sorti un nouvel album début 2022. Et puis, il y a aussi Adrianne Lenker, qui nous rend souvent visite dans Pop & Rock. Et je viens d'apprendre par hasard qu'elle est bien la chanteuse de Bixif. Drôle de collision. Nous profitons donc de Adrianne Lenker. Stirring you back, stabbing stars. Côté fille, plus consensuel, il y a Heim. Pop and Rock, les filles ont une grande place, surtout quand elles rockent comme de vieux loups usés. Connaissez-vous Karen Elson? Non? Alors posez-vous pour profiter de The Ghost Who Walks de Karen Elson. The ghost who walks, she's on the prowl for the man. She loved, he cut her down. It was no ordinary night in June. herself because eyes never once looked cool. But the moon in the blade, it shimmered like a jewel. She looked at him with pleading eyes. He softly spoke, my dear, the love has died. And then he muffled her deadly cries under the moonlight. Under the moon. Quand je réalise une émission comme ce soir, émission dans laquelle je fouille mes archives numériques, je ressors des titres qui me font vibrer. Et là, je viens de me rendre compte que les voix féminines sont en nombre. Alors, pas d'hésitation, on continue avec Children and the Sun qui va nous chanter le fabuleux In Silva et on enchaînera avec le California Soil de London Grammar. Going home down the ocean, watch the waves play their game. May tomorrow come. May tomorrow come. Going home down the ocean, watch the waves play their game. May tomorrow come. Follow your heart and sun will guide you. We can be as two birds flying free like two yellow trees. We can be as one. Watch me going down the ocean. May tomorrow come, they say. Tomorrow never came. Oh, they say the mountains are not far away. Follow your sur le 104.6 pour écouter Pop and Rock sur la trail locale RVR.

Dans mes fonds de tiroirs numériques, il y a aussi des choses plus légères que la Maria Dance. On va donc profiter tout de suite d'un titre de Foster the People. Vous êtes bien collé dans Pop & Rock sur la trail locale Radio Val d'Orain et il est temps de se faire un groupe estampillé Pop & Rock, Alt G. Some are holiday, having fun. Happiness is between two bars.

Dans tout ce remue-ménage anglo-saxon, on retrouve un petit groupe français qui se débat pour sortir la tête de l'eau. S'il le fait difficilement dans son dernier album, un titre malgré tout attire mon attention. On écoute Life as a Sentence de Lane. Ça vous plaît? Tant mieux, c'est pas fini. Foncez sur la page Facebook de Pop & Rock, les petits enfants du rock. Thank you. Vous êtes bien dans Pop & Rock sur le 104.6 de RVR et après le Graffreez qui vient de nous accompagner, je vous propose un de mes chouchous du moment, Other Lives avec le titre Hey Hey. Tout a une fin, même Oasis. Heureusement, les frangins Gallagher continuent en solo et pour refermer notre 169e Pop & Rock, c'est à Noël Gallagher que je confie les clés avec ses High Flying Birds. Et sur ce, rendez-vous semaine prochaine, même heure, même endroit. Bis à tous. When the cold wind blows, you say that